et d'autres qui camoufent pas. Ça c'est la vie. Si n'y qu'à provoquer souffrance pour faire d'autres crier, ça pas fait oh, oh, aïe. Qu'a fait tout le monde plaire, qu'a fait misère régner, ça pas fait yo aïe. C'est comme ça la vie est.